ne vois plus qu'une grande lumière derrière ses fenêtres. Dans quelques secondes, il n'y aura plus aucun maître. Des kilomètres. Et pourtant, nous n'avions rien demandé. J'ai beau me questionner, j'arrive pas. Comment sommes-nous arrivés là? Et malgré tout ça. L'aventure humaine continue de graver à ses échelons. Entre l'amour, la haine et relations se font, se défont. La démesure s'intase, les esprits se perdent, se refont. Mais ces aventures baissent, quelle que soit ta protection, quel que soit le coup de ton combat. N'oublie pas que le savoir t'apportera plus que ces dons-là. Ces signes semblants insignifiants mènent plus les deux mains en main. Et pourtant, bien des secrets cachés derrière ces lignes colorées. Tu sens envahi par une impulsion généralisée de cruauté. On se fout quand on te regarde, mais on loin d'un crevé au loin. Je veux un moyen de pouvoir les aider. Exacerbés par tant d'images, on s'écrit directement dans notre conscience. Des images qui voient la nuit tomber du pied ou en pied. Ils ne vont pas nous tuer. Il n'y a pas de guerre, de paix dans le monde. Si leur réseau démenti dans cette purgation, on mélange nos couleurs, nos cœurs, nos chansons. Il n'y a pas d'horizon face à la confusion. À qui des réponses à l'ensemble de tes questions. Avant que ce monde perde tout le sens de sa raison, délivre-toi de certaines de tes convictions. Prends du recul, inspecte l'histoire, c'est elle qui a raison. De 76 à aujourd'hui, les difficultés venant hanter nos vies. Toujours les mêmes barrières face aux mythes ennemis. De Prescott à mon champ, passons par Kennedy. Récemment, j'ai entendu parler d'Illuminati. On se prend pour des dieux, à vouloir changer le monde. On se prend pour des dieux, tuer les atomes. Y a rien pour nous garder des bourreux. Rien ne va changer à nous de toute la société. Dans les galants pour des faux marchands de rêve. Et dis-moi lequel sera le bon. Dis-moi